Chapitre 15e, où l'on fait parler Gilbert Arnold. Le trésor, M. Alfred Salamons, arrangea si bien les choses qu'il parvint à éloigner le faux prédicateur méthodiste pendant une heure ou deux. À la nuit tombante, le groupe brun foncé de Mr. Walsingham, contenant cette dame et le major, partit de Kensington Gore pour gagner Old Kent Road. Claribel était fort pâle, elle parlait à peine, mais ses yeux regardaient fixement dans les rues obscures qu'on traversait. Le major Varney donna ordre au cocher d'arrêter au coin de la rue où était situé le temple de Slowgood. Quand Mrs. Walsingham et lui furent descendus, il dit à l'homme d'aller se placer devant les armes de Bricklayers et d'attendre qu'on l'envoyât chercher. « Maintenant, dit le major, soyez assez bonne, Mrs. Walsingham, pour prendre mon bras et je vais vous conduire chez ce bon Slowgood. » J'ai pensé qu'il était prudent d'éloigner la voiture, car si par hasard votre ancien garde revenait pendant que nous sommes ici, il pourrait reconnaître la livrée de Leslewood. Claribel Walsingham parut ne pas entendre l'observation du major. Elle marcha en silence pendant quelques instants, mais au moment où il tournait l'angle de la rue, elle s'arrêta tout à coup et, posant la main sur le bras du major, elle lui dit avec une énergie fiévreuse « Major Varney, le jeune homme que je vais voir est-il bien mon fils, oui ou non ?» La lune d'été s'était levée, et sa pâle lumière éclairait la belle figure de l'officier indien. Adouci par cette lueur, ses favoris blonds et ses moustaches prenaient une teinte plus vague que la lueur du soleil. Il jeta sur son interlocutrice un regard pénétrant qui ne manquait pas d'une certaine dignité, puis il répondit « Monsieur Walsingham, vous êtes une femme isolée et sans appui, la veuve de mon cher ami, et je ne voudrais pas vous tromper de plein gré, je crois que c'est votre fils. » Elle eut un soupir de soulagement et continua d'avancer. « Ne vous pressez pas, chère madame, » dit-il, « nous y voici arrivés. » Il s'arrêta à la porte du jardin et sonna. Ce fut Alfred Salamons qui vint ouvrir. « Tout va bien ?» demanda le major. « Oui, monsieur. Il est allé à un thé à Hampstead. Je lui apportai un mot du révérend président, qui l'invitait à prendre la parole à la réunion. Il ne sera guère ici avant 2 heures, car il aura quelque peine à trouver l'endroit où la réunion a lieu. « Bien, mon Salamons, n'est-ce pas un trésor, madame ?» Elle ne répondit pas. Ses yeux étaient rivés sur la porte entrouverte de la maison dans laquelle elle espérait trouver son fils. « Maintenant, Mrs. Walsingham, dit le major, suivez-moi. » Il entra dans le corridor et marcha jusqu'au pied de l'escalier. Avant de monter, il s'arrêta et, tournant vers Salamons un regard significatif, il dit « Et elle, la femme ?»« Où elle est allée à la campagne voir des amis ?» répondit le valet. « On l'aime beaucoup, sans doute, et on la garde longtemps. » « Encore une fois, très bien, mon cher Salamons. » Le major et Mrs. Walsingham montèrent, suivis de près par un Monsieur Salamons, qui se tint dans l'ombre de la porte, pendant que son maître et la dame entraient dans la chambre. Le jeune homme, au pâle visage, à la blonde chevelure, s'était jeté sur le lit, et la tête appuyée sur son bras, il dormait d'un profond sommeil. Ses cheveux blonds assez longs tombaient de chaque côté de son front bas et étroit. Ses vêtements, quoiqu'un peu usés, était à la dernière mode, et telle qu'en devait porter le fils d'un gentilhomme. Ses mains étaient blanches et délicates. La chambre n'était éclairée que par une misérable chandelle avec une longue mèche qui fumait sur la table auprès de la fenêtre. Le major montra du doigt le dormeur. Mrs. Walsingham laissa échapper un faible cri, et se précipitant vers le lit, tomba à genoux, et soulevant la belle tête dans ses bras, elle baisa le jeune homme au front. Il s'éveilla, ouvrit de grands yeux qu'il promena vaguement autour de lui. C'était un visage assez délicat et assez régulier, mais qui n'annonçait pas une grande intelligence. « Mon pauvre enfant, mon malheureux enfant, » dit le major, « souvenez-vous de ce que je vous ai dit l'autre soir et préparez-vous. »« Oui, oui, » s'écria le jeune homme, « oui, je le sais. Vous êtes ma mère, » ajouta-t-il en se tournant vers Claribel. « Et vous êtes venu pour m'arracher cet horrible lieu, à cet homme odieux. Vous êtes venu pour cela, n'est-ce pas ?» Il parlait avec une impatience fiévreuse et, sautant en bas du lit, il sembla qu'il voulut quitter immédiatement la maison. M. Salamons, debout à la porte entrouverte, le prit par le bras et l'arrêta. « Mon cher monsieur, dit-il, ne vous pressez pas. Ne vous pressez pas, calmez-vous. »« Eh bien, Mrs. Walsingham, dit le major, dites-moi, ai-je raison ?»« Oui, dit-elle avec un soupir. « Le ciel le sait. Je crois que vous avez raison. Mais il est tristement changé, mon pauvre enfant, bien tristement changé. Privé des soins d'une mère pendant 14 ans, enfermé dans cette misérable chambre, comment pourrait-il en être autrement ?» demanda le major d'un ton grave. « Mon enfant, mon pauvre Robert, venez à moi, » dit Claribel en tendant les bras. Le jeune homme jeta les bras autour du cou de sa mère et laissant retomber sa tête sur son épaule, il fondit en larmes. « Je veux sortir d'ici, je veux quitter cette maison, » dit-il. « Vous la quitterez, Robert, vous la quitterez. » Elle l'attira vers la porte, où ils allaient tous deux quitter la chambre quand le major s'interposa. « Ma chère Mrs. Walsingham, ma chère madame, grand Dieu, savez-vous ce que vous faites ? Vous allez emmener ce jeune homme, qui est ou est supposé être le fils d'un de vos anciens serviteurs, et vous allez vous rendre sans doute devant un tribunal où vous déclarerez que ce jeune homme est votre fils, Sir Rupert Lissell, qui depuis 14 ans passe pour mort. Pour Dieu, mettez-vous au courant de ce que vous allez faire. En souvenir de mon pauvre ami qui n'est plus, adoptons un système de conduite, Mrs. Walsingham. Voici une chaise. » Il la conduisit à un siège, elle obéit machinalement et s'assit. D'abord, Mrs. Walsingham, et avant de faire un pas de plus dans cette affaire, il est de toute nécessité que nous ayons votre déclaration par laquelle vous reconnaîtrez solennellement que ce jeune homme est votre fils, Sir Rupert Lissell. Je le crois, dit Claribel. Bon, en présence de moi, d'Alfred Salamons et du jeune homme dont il s'agit, vous déclarez que d'après votre ferme conviction, il est votre fils, et que vous n'êtes pas induite en erreur par une ressemblance qui peut avoir existé entre le fils de Gilbert Arnold et Sir Rupert Lissell, votre fils. Je n'ai jamais remarqué cette ressemblance, et je n'ai jamais vu qu'elle existait entre les deux enfants. Bien. Alors nous pouvons sûrement conclure que nous avons mis la main sur un complot qui avait pour but de cacher à vous-même, ainsi qu'au monde, l'existence de votre fils. Dans quel but et par qui ce complot a-t-il été entamé ? C'est ce que nous découvrirons plus tard. Deux choses sont parfaitement claires. La première, c'est que Gilbert Arnold est du complot. La seconde, c'est qu'il faut le faire parler. Salamons, vous nous avez aidés dans tout ceci, et vous savez quelque chose de cet homme. Parlera-t-il ce soir ? Pendant qu'il faisait cette question, les yeux du major se mettaient en communication avec les prunelles orientales de Alfred Salamons. C'était comme un télégraphe mis en jeu. « Je le crains, » répondit le valet, « ce soir comme n'importe dans quel moment. »« Bien, » dit le major en consultant sa montre, « il est maintenant 10h15. Dans une demi-heure, cet homme sera probablement de retour. Vous, Salamons, allez au bureau de police le plus proche et amenez 2 agents. Si nous mettons ces 2 messieurs dans la pièce à côté, il nous sera peut-être plus facile d'amener notre ami à ouvrir la bouche. » Monsieur Salmon s'inclina et partit pour faire sa course. Claribel, le major, attendait le retour de l'ex-braconnier. Le jeune homme se promenait de long en large dans la chambre, s'arrêtant de temps à autre pour faire quelques questions. Une demi-heure après, Monsieur Salmon revint, ramenant avec lui 2 hommes en habit bourgeois et à l'air grave, qu'il conduisit dans le salon. Environ 10 minutes après, Gilbert Arnold arriva à son tour. Il ouvrit la porte à l'aide d'un passe-partout, et marcha droit à la chambre où l'attendaient le major et Mrs. Walsingham. Claribel, cédant à la demande du major, avait laissé tomber son voile sur son visage qu'il cachait complètement. À la vue du major, Gilbert Arnold recula d'étonnement. « Ah, mon digne ami !» dit l'officier indien. « Je crois que vous êtes surpris de me voir, mais attendez un peu, je vous prie, et vous le serez bien davantage tout à l'heure. Ma chère madame, veuillez être assez bonne pour lever votre voile pendant que je vais moucher cette abominable chandelle. Et maintenant, Joseph Slowgood, autrement dit Gilbert Arnold, autrement dit n'importe quoi, dites-moi si vous connaissez cette dame. » « On ne m'appelle pas Gilbert Arnold et je ne vous connais ni l'un ni l'autre, » répondit le braconnier. « Oh, que si ! Vous nous connaissez très bien. Et pour commencer, vous connaissez votre fils, ou du moins le pauvre garçon que vous avez eu l'audace d'appeler votre fils depuis 14 ans. » « Vous le connaissez parfaitement bien, Gilbert Arnold. Connaissez cet infortuné jeune homme. Regardez-le, tombez à ses pieds, roulez-vous dans la poussière et demandez-lui s'il pourra jamais vous pardonner. Mais ne nous dites pas que vous ne le connaissez point. Vous connaissez Sir Rupert Lissell. » L'homme se laissa tomber sur une chaise qui se trouvait près de lui et appuyant ses coudes sur ses genoux, il cacha sa tête dans ses mains. « Ah, il vous reste encore un peu de pudeur. »« Vraiment, » dit le major avec dédain, « vous avez pu garder votre odieux secret pendant 14 ans, mais la lumière s'est fait jour à la fin. Votre complot est découvert. Et si vous aspirez à obtenir le pardon de cette dame et de son fils, qui dans un mois sera majeur, vous ferez bien de parler de suite et de dire la vérité. » Quel était le but de cette abominable intrigue? Qui en a été l'instigateur? Êtes-vous seul à la mener ou y a-t-il quelque autre personne qui vous a aidé? Parlez! Je ne parlerai pas! Hurla le braconnier en se levant et en saisissant la chaise dans sa main vigoureuse, comme s'il allait la jeter à la tête du major. Je ne parlerai pas! Je ne suis pas de la boue pour que vous me fouliez aux pieds. Je ne suis pas votre esclave pour obéir à vos ordres, pour que vous m'appreniez ma leçon comme à un enfant, et pour vous suivre et ramper comme un chien devant vous. » Il heurta violemment la chaise sur le plancher, puis se rasseyant, il se mit à pleurer comme un enfant. « Cet homme est fou. Ou il a bu ?» dit le major à Claribel. Puis se rapprochant de Gilbert Arnold, il pencha ses lèvres près de l'oreille du braconnier et dit « Lâche, poltron. Parle ou tu seras pendu. Choisis maintenant et vivement, car il y a en bas 2 agents de police. » Je n'ai qu'à descendre près d'eux pour te dénoncer. » Gilbert Arnold continua à pleurer piteusement. Il leva la tête et se frotta les yeux avec ses mains sales. « J'ai bu un peu, » dit-il en manière d'excuse. « Et vous êtes trop dur, mon pauvre homme, et il ne peut le souffrir. Il n'est pas de la boue, » ajouta-t-il. « Et bien qu'il puisse être habitué à se voir fouler aux pieds, quelquefois cela le met hors de lui et le pousse à bout. S'il faut que je parle, eh bien, je parlerai. » Il s'assit les jambes écartées sur la chaise, croisa les bras sur le dossier et appuyant son menton sur ses bras, il regarda le major en face. « Êtes-vous seul dans ce complot ou y a-t-il quelque autre personne ?»« Non, personne. » Il parlait d'un ton bourru comme un enfant qui répète une leçon qui lui déplaît. « Avez-vous été seul depuis le commencement ?»« Oui, depuis le commencement jusqu'à la fin. » Le capitaine Walsingham n'en savait absolument rien, rien. « Et quel était votre but ?» Mettre mon fils à la place de Sir Rupert. Et qu'est devenu votre fils ? Gilbert Arnold hésita un moment avant de répondre à cette question. Puis, baissant les yeux, il dit tristement : Il est mort. Mort ? Et le complot a manqué grâce à la mort de votre fils ? Oui, oui. Qui vous a donné une idée semblable dès le début ? Hein ? Qu'est-ce qui vous a d'abord donné l'idée de mettre votre fils à la place de Sir Rupert Lissol ? On parlait toujours de la ressemblance des 2 enfants. On répétait toujours que le mien avait tout aussi bon air que l'autre. Et il me paraissait dur que l'un goûtât tous les plaisirs de la terre et que l'autre n'en eût aucun. Donc j'ai pensé que si l'occasion se présentait jamais, je mettrais mon fils dans les souliers de l'autre pour voir s'il ne ferait pas un baronnet tout aussi bien que Sir Rupert. Et l'occasion s'est présentée. Oui, le jour où le poney de Sir Rupert s'est emporté, il l'a jeté dans la plaine de Littlewood. Je passais dans une voiture à foin en revenant du marché par la montagne au lieu de prendre la route. Et je trouvais l'enfant inanimé sur le sol. Je le pris et l'emmenai chez moi, où je le tins caché pendant 1 jour ou 2. Il eut le délire pendant tout ce temps et ne reconnaissait rien ni personne. Alors j'ai réussi à l'emmener à Londres un soir par le chemin de fer. Je le mis dans un hôpital. Il se rétablit en 2 mois. Et alors je vins à Londres moi-même avec ma femme et mon enfant. « Et que vouliez-vous faire avec les 2 enfants ?» demanda le major. « Je voulais laisser passer le temps jusqu'à ce qu'ils devinssent plus grands. Et lorsque j'aurais pensé que Milady avait eu le temps d'oublier le sien, je voulais aller la trouver pour lui dire que je l'avais trouvée dans les rues de Londres et que je pensais qu'il avait été volé par des gypsies. Puis j'aurais appris sa leçon à mon fils et il eût confirmé ce que j'avais dit. Et alors mon garçon eût été maître d'une belle maison et d'une belle fortune. Mais votre enfant est mort ?»« Oui. » 12 mois après l'accident de Sir Rupert, il prit la fièvre et mourut. Est-ce tout ? Oui, c'est tout, monsieur Gilbert Arnold. Voilà une fort jolie confession que vous serez prêt à répéter, j'espère, au notaire de Sir Rupert Lissol et du gentleman qui porte aujourd'hui le nom de Sir Lancelot Lissol. Je pense en même temps, mon digne Arnold, que vous auriez à vous considérer vous-même comme gardé à vue, jusqu'à ce que votre confession ait été dûment inscrite et certifiée devant témoin. Quant à Mrs. Walsingham et à Sir Rupert Lissol, je ne doute pas qu'en demandant leur pardon, au lieu d'être puni de votre crime, vous ne soyez récompensé pour votre aimable candeur. Maintenant, Mrs. Walsingham, Salamons va aller aux armes de Bricklayers chercher la voiture. Alors nous pourrons, je pense, dire en toute sécurité adieu à M. Gilbert Arnold et emmener Sir Rupert Lessel avec nous.